Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, un grand Harrison Ford. D'origine modeste, John Cromley a finalement réussi dans les affaires. Il mène une carrière brillante, soutenue par sa femme Hélène et leurs trois enfants. Mais juste au moment où le succès lui sourit, Cromley apprend que ses deux plus jeunes enfants, Meghan et Patrick, sont atteints d'une maladie incurable. Face à l'absence de soins adaptés, Cromley décide de se jeter dans ce combat à sa façon. Pour vos deux enfants, c'est le cœur qui peut flancher. Combien de temps nous avons ? J'aimerais avoir un médicament contre la maladie de Pompe, mais ce n'est pas le cas. Je suis désolé. Docteur Stonehill ? Oui ? C'est John Cromley. Tous les chercheurs disent que vous êtes un génie à deux doigts de faire une grande découverte. Je suis à deux doigts de rien du tout. Combien ça coûterait de prouver votre théorie ? Je lui ai promis que je collecterais 500. C'est tout ? 1000. Tu veux dire 500 ou 1000 ? Je veux dire 500 000. Tu es devenu complètement dingue ? Faut croire. N'importe quel gars en costard cravate trouverait des capitaux pour l'entreprise et la gérerait. Mais qui pourrait être aussi motivé qu'un père qui essaie de sauver la vie de ses enfants? On peut y arriver. On bossera 24 heures sur 24. Je bosse déjà 24 heures sur 24! Soigner les gens, en théorie, n'a jamais aidé personne à retrouver la santé. Je ne peux pas guérir vos enfants, sachez-le. Mais je crois que je peux leur sauver la vie. Mesures exceptionnelles avec Harrison Ford et Brendan Fraser. Un DVD Sony SPHE.